Jason, ça faisait 3 heures que je dormais. Quelques cafés, quelques clopes et je serais au taquet. Dépendant à la caféine, dépendant à la nicotine. Accro et accro pour mon job, voilà ma routine. Je vais bosser au volant d'une belle voiture. Dans mon cas, on peut juger le livre à sa couverture. Je crie, je roule vite et je m'en fous si je suis un danger pour la foule. Pas le temps de m'arrêter au feu rouge, il faut que je roule. Oui, je suis peut-être juste un peu stressé. Journée de travail et de zèle. Ce n'est pas encore ce soir que je détruirai mes ailes. Je prends mes bouteilles et je bois en continu jusqu'au matin. Je buvrai encore si les bouteilles n'avaient pas une fin. Putain de merde, fermez vos gueules dans cette putain de maison. Je vous ai prendre mon pied dans vos sales gueules de con. Le respect se gagne à coups de poing et d'œil au beurre noir. Ici c'est toujours la même chose du matin au soir. Oui, je suis peut-être juste un peu stressé. Ça faisait 3 heures que je dormais. Quelques cafés, quelques clopes et je serai au taquet. Dépendant à la caféine, dépendant à la nicotine. Accro et accro pour mon job, voilà ma routine. Le réveil sonne, ça faisait 3 heures que je dormais. Quelques cafés, quelques clopes et je serai au taquet. Dépendant à la caféine, dépendant à la nicotine. Accro et accro pour mon job, voilà ma routine. Oui, je suis peut-être juste un peu stressé.